Aujourd'hui j'ai 24 piges, je me rends compte que la vie tient une balle ou un coup de queue. Je raconte que ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que je fais, ce que je vis et avant tout ce que je veux. Aujourd'hui je suis tonton, mon frère a eu sa petite fille. Mon père ne dort plus à la maison, il fait sa petite vie. Ma petite sœur grandit aux côtés de ma mère, elle qui a tant souffert et sans faire de manière. M'énerve, je contrôle plus quand je sais qu'elle va mal. Quand je rentre tard le soir et que je la vois lire son journal toute seule. Malgré sa vie dure, elle cache encore son seum. Puis que je suis jeune, son rêve c'est que j'aille de l'avant. J'ai pas dormi dehors et ni dans un parc. On était dans un squat, maintenant on est dans un bat. Bien avant d'être mûr, on m'a enlevé de sa garde. Je m'en rappelle la peine de la juge pour enfant. La haine dans mon cœur, bien avant la famille d'accueil. Regarde, je suis toujours souriant, c'est rare quand Joe il fait la gueule. Et à l'école, rien du tout, à part que la prof elle était cool. Et allez, j'étais fort en sport et en heure de colle. Et rien que j'aimais les conneries, sans faire de flatterie. Allez, jobber le matin, on va à la caisse des galeries. Mais attends, tout ça c'était y'a pas si longtemps. Les vrais savent, 60 boulevards Ménilmontant. 60 boulevards Ménilmontant. 60 boulevards Ménilmontant. 60 boulevards Ménilmontant. Les vrais savent, 60 boulevards Ménilmontant. 60 boulevards Ménilmontant. Boulevard Ménilmontant. Le système nous a baisés. Moi dans ma tête je veux m'apaiser. Surtout pas briser mes principes, mes valeurs et mon respect. Et toutes ces choses qui sont restées dans ce que je suis et ce que j'incite. Le système nous a baisés. Moi dans ma tête je veux m'apaiser. Surtout pas briser mes principes, mes valeurs et mon respect. Et toutes ces choses qui sont restées dans ce que je suis et ce que j'incite. Et j'insiste. Je suis dans le mal, parfois je me trouve anormal. J'ai vu la vie en rose et le lendemain je l'ai vu noir mat. L'art de la rue, le rap n'est plus ce qu'il était avant. On écoutait l'artiste et on s'en foutait de ce qu'il mettait. Aujourd'hui ce qui m'étonne, les cités se sont calmées. Mais quand t'écoutes ces camés, vive la vie de Cali. Combien vont caler quand ils l'auront sous le palais du Paris. Qu'un calibre fait disparaître la salive. J'ai démêlé le vrai du faux. Et je me suis trompé dans le vrai, donc au final j'étais dans le faux. Le vrai défaut de l'être humain est pour du papier de l'encre. Il peut planter son frère dans le dos. Savoir avec qui faire des liens. Accepter la critique et les mauvaises langues écoutent peu. Moi j'ai beaucoup donné du mien. Ouais, et aujourd'hui j'ai 24 piges, je me rends compte que 60 boulevards Ménilmontant. Je suis dans le mal. 60 boulevards Ménilmontant. Parfois je me trouve anormal. 60 boulevards Ménilmontant. J'ai vu la vie en rose et le lendemain je l'ai vu noir mat. Boulevard Ménilmontant. La vie tient une balle.